En Corée, les chercheurs à l'université Kim Il-sung ont mis au point la technique de pointe de synthèse organique de précision de l'isédronate. L'isédronate, fabriqué seulement par quelques pays du monde, est appelé le meilleur produit de revivification métabolique de l'os du XXIe siècle, car il permet d'accroître la quantité minérale dans la moelle pour faire disparaître ou diminuer les douleurs de l'os, prévenir et soigner la fracture ou la déformation de l'os. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a remis récemment aux auteurs la médaille et le diplôme d'inventeur.